Mes amis, je crois bien que je vais rendre mon tablier. Oui. Tel un maître que qui a trop fait chauffer ses poils. J'ai envie de passer à autre chose. Ah, tu parles du tablier de bûcheron, c'est ça? Non, mon tablier fleuri avec des recettes écrites dessus. Mmh. Toutes ces femmes qui gravitent autour de moi me font l'effet de satellites en rotation autour d'une planète qui n'aurait plus la force de jouer de la gravitation pour les garder en attraction. J'ai même décidé d'aller plus loin. J'ai envie que les femmes qui m'ont connu retrouvent un peu de dignité. Oui, qu'elles ne soient plus ces bêtes perdues, rabaissées au rang d'objets au service de ma libido, de grand gourou, de l'extase. J'ai envie qu'elles réapprennent à vivre normalement, qu'elles se trouvent un gentil mari avec qui elles vivront des heures creuses, certes, mais qui dit creux, dit prêt à se remplir, et ça, c'est déjà un objectif. Et puis, je vous assure que c'est fatigant d'avoir à rester toujours au top, quand votre nom est synonyme de grande messe du frisson de la terrine, quand le son de votre voix amène de façon pavlovienne les femmes à brûler leurs vêtements, quand votre col devient l'équivalent de la terre promise. Eh bien, tout ça, c'est usant. Je vais tirer un trait sur tout ça, mes amis. Je vais changer le cap de mon destin. C'est décidé, je vais aller vivre à la campagne, loin des tumultes de la grande cité et de sa faune interlope. Je vais redécouvrir les valeurs de joie toutes simples comme celle d'écouter chanter les petits oiseaux quand elle voit de son œil aussi rond que malicieux que la mise soleil est en train de faire sa percée apaisante, symbole de lumière et de chaleur. Je vais aussi rééduquer mon corps en allant me désaltérer au cours des ruisseaux formidables pourvoyeurs d'une eau claire, limpide et revigorante. Je mangerai les dons de Dame Nature, à savoir les fruits et les légumes qui, dans un effort aussi suicidaire que généreux, pendent des arbres ou bien sortent de terre pour que nous soyons bien. Je mettrai mon énergie au service des autres également. Je m'occuperai du ramassage scolaire et puis j'emmènerai les enfants pour de grandes balades où je leur apprendrai les principes fondamentaux de respect de la nature et de la vie tout simplement. Le soir, je ferai la lecture aux vieux des villages pour les tenir informés de ce qui se passe dans le monde et les rassurer quant au grand passage qu'ils feront vers la vie éternelle. Passage qui sera pour eux une simple transition vers un monde libre de toute enveloppe charnelle et juste recentré sur des âmes joyeuses au cœur libre et léger, heureuses de retrouver les chers disparus trop longtemps pleurés. Tout ça, oui, mes amis, tout ça, jusqu'à ce que j'en ai plein la marmite et que je décide de faire un break. Et là, comme avant, je pisserai dans les ruisseaux, sur les légumes et sur les fruits. Je foutrai des baffes aux enfants et aux vieux. Et, bien entendu, j'irai voir mes radasses pour rattraper le temps perdu. Et là, je vais me le donner, tel un chamois thaïlandais. J'irai onduler sur les croupes le corps enduit à l'huile de schnapps, jusqu'à ce que la fatigue ou l'alcool me terrasse. Ah, oh, bah ça va bien. Je vous demanderai de bien vouloir m'excuser pour ce petit passage à vide et bucolique à la fois qui était, je le reconnais, de bien fort mauvais goût. Je ne recommencerai plus, c'est promis, auf Wiedersehen.